Bonjour. Je peux prendre votre commande ? Est-ce que vous avez des formules ? Oui, la formule 1, sandwich ou salade, plus boisson à 4,50€, ou la formule 2, sandwich ou salade, plus boisson, plus pâtisserie à 7€. Qu'est-ce que vous avez comme sandwich ? Sandwich au thon, sandwich au fromage et sandwich mixte. Qu'est-ce qu'il y a dans le sandwich mixte ? Du thon, des tomates et de la salade. Je vais prendre la deuxième formule avec un sandwich mixte et une part de tarte aux fraises. Et comme boisson ? Un jus de raisin, s'il vous plaît.